Chapitre 9. Me voici. Avez-vous jamais perdu votre portefeuille ou votre porte-monnaie? Il y a des chances que cela vous soit arrivé. Et il y a des chances que des gens aient tenté de vous aider en ces termes. Où l'avez-vous vu la dernière fois? Ou bien, oh, il ne lui est pas poussé des jambes pour aller bien loin. Ou encore, ne vous inquiétez pas, il n'a pas dû s'envoler. Sur le moment, vous n'avez probablement pas considéré ces remarques comme utiles, mais elles sont vraies cependant. Jamais, dans l'histoire de ce monde, on n'a vu un portefeuille passer la porte à toutes jambes. Pas une seule fois. Et jamais un porte-monnaie ne s'est évaporé en gaz. Jamais. Cela signifie que quand une chose est perdue, elle existe encore quelque part. Elle a juste besoin d'être trouvée, d'être retrouvée. Jésus a raconté l'histoire d'une drachme perdue, d'une brebis perdue, d'un enfant perdu, et tous les trois ont été finalement retrouvés. Certains vont à la recherche de trésors perdus dans des navires qui ont sombré et chargés d'or et de bijoux. Les chasseurs de trésors recherchent des mines d'or, ou des richesses stupéfiantes enterrées à l'endroit où la carte est marquée d'un X. La police recherche des enfants perdus. Des restaurateurs ont mis à jour sous des tableaux d'anciennes œuvres maîtresses recouvertes de peinture. Des aventuriers sont partis à la recherche de l'arche perdue, que ce soit celle de l'Alliance ou celle de Noé. Quand des choses sont perdues, elles n'en existent pas moins. Elles ont seulement besoin d'être retrouvées. Le plus grand trésor que ce monde ait connu n'est pas le Saint Graal ou les mines de Salomon, ou quelques champs de diamants non encore identifiés de la taille d'un terrain de foot. Le plus grand trésor que la Terre ait connu, c'est son Créateur, Jésus-Christ. Et quand il a quitté la Terre, il a aussi laissé un trésor, petit t, à ses disciples, dont ils peuvent jouir et qu'ils peuvent partager avec d'autres. Sa vérité. Mais les années passant, ce trésor de vérité a commencé à être recouvert de couches d'erreurs. Ce ne fut pas par accident, mais ce fut l'œuvre délibérée du grand ennemi du Christ, qui a infiltré l'Église même du Christ, la conduisant à la compromission, à contrefaire et piétiner la vérité qui lui a été donnée. Avec le temps, chaque vérité fut enterrée sous une couche d'erreur, de fausseté, de mensonge. La vérité du salut comme un don gratuit fut remplacée par le mensonge du salut par les efforts humains. La vérité selon laquelle Jésus est notre chemin d'accès à Dieu fut remplacée par celle qui veut que ce soit par l'intermédiaire du prêtre. L'autorité de la Bible fut remplacée par celle du pape et de la tradition humaine. Le pardon ne fut plus un don gratuit, mais un bien à acquérir financièrement. Le jour du repos du sabbat fut remplacé par le dimanche en vertu d'un choix humain. La confession unique à Dieu fut remplacée par la confession au prêtre. La Bible, comme un don de Dieu pour tous, fut réservée aux prêtres et interdite à la lecture du peuple. Même les 10 commandements de la loi de Dieu ont été changés pour satisfaire une église qui avait perdu son chemin. En plus, une série d'enseignements et de pratiques non bibliques furent présentés comme des vérités, dont la messe, la transsubstantiation, la transformation supposée des éléments de la communion dans le corps et le sang réel du Christ, la prière pour les morts, la vénération de Marie et des nombreux saints, et le caractère sacré d'images peintes ou taillées dans la pierre. Rappelez-vous que l'unique message important de ce livre est que Dieu a toujours eu de fidèles disciples qui lui sont restés loyaux, attachés à sa vérité. À toutes les époques, depuis le jardin d'Éden, alors que Satan a fait de son mieux pour cacher ou contrefaire la vérité, Dieu a toujours connu des hommes qui étaient déterminés à la croire, la vivre et la partager. Que ce soit les patriarches qui ont succédé à Adam, les fidèles d'Israël, les croyants de l'Église primitive, ou ceux qui, comme les Albigeois et les Vaudois, ont tenu pour la vérité au prix de leur vie, Dieu a toujours eu une chaîne ininterrompue de fidèles. Aux plus sombres heures du Moyen-Âge, Dieu a trouvé des individus courageux et loyaux, déterminés à redécouvrir des vérités perdues et à les mettre à jour. Un message sur le tableau d'affichage. Cela a commencé avec un message sur le tableau d'affichage du campus d'une université allemande. À cette époque, la porte de l'église de l'université servait souvent de tableau d'affichage central pour le campus. Et, le 31 octobre 1517, ceux qui se sont approchés de la porte y ont découvert un document affiché par un prêtre catholique, professeur à l'université. Ce document allait changer le cours de l'histoire, car les 95 thèses clouées sur la porte de l'église du château de Wittenberg par Martin Luther mettaient en opposition l'erreur et la vérité biblique, et lançaient la réforme protestante. Bien que l'histoire fasse débuter la réforme protestante avec les 95 thèses de Luther, les vérités dont le réformateur se fera le champion ont été mises en avant un siècle ou plus avant lui, par John Wycliffe. Bien qu'il soit mort un siècle avant la naissance de Luther, il sera connu plus tard comme l'étoile du matin de la Réforme, en raison de son audacieuse prédication et de son enseignement des vérités bibliques. L'influence de Wycliffe sur d'autres réformateurs plus tardifs tels que Luther fut profonde. Il a aussi été le premier à publier la Bible dans la langue commune du peuple. Un étudiant et disciple de Wycliffe, Jean Hus, a eu lui aussi un énorme impact sur les réformateurs qui lui ont succédé. Il a enseigné quasiment toutes les vérités dont Luther et d'autres ont fait la pierre angulaire de leurs efforts pour réformer une église qui avait, pendant des siècles, enterré la vérité sous des couches d'erreurs. Hus s'est opposé courageusement à diverses erreurs de l'église, dont la vente des indulgences, le paiement en argent ou l'attribution de donations pour obtenir le pardon de ses péchés. L'église a qualifié Hus d'hérétique et l'a excommunié en 411, mais il a continué à enseigner les vérités bibliques et à dénoncer les erreurs de l'église. Finalement, en 415, l'Église l'a condamné à mourir sur le bûcher. Jérôme de Prague, un ami et disciple de Jean Hus, a connu le même sort environ un an plus tard. Les débuts de la Réforme. Ces pré-réformateurs ont posé les fondements de la Réforme qui devait suivre. Quand Luther a clairement établi en 1517 le contraste entre la vérité et l'erreur, la Réforme a sérieusement commencé. Luther s'est bientôt vu lui aussi excommunié de l'Église. Soutenu par l'imprimerie nouvellement inventée, le mouvement se répandit rapidement. En Suisse, les efforts de Luther furent accompagnés par ceux de Zwingli. Le théologien français Jean Calvin réunit les fils du mouvement en Suisse, Écosse, Hongrie, Allemagne et d'autres points de l'Europe. Le théologien hollandais Erasme exerça une forte influence sur Luther, et bien qu'il demeura lui-même membre de l'Église catholique, il s'opposa adroitement à ses erreurs. Un moment clé de la Réforme eut lieu en 1521, quand le 16 avril, l'empereur Charles Quint, en accord avec le pape, convoqua Luther à une diète, assemblée, dans la cité de Worms, en Allemagne. Un assistant d'un évêque local, Johann Eck, attira l'attention de Luther vers une table couverte de ses écrits. Eck demanda à Luther si ses livres étaient les siens et s'il croyait encore à ce qui y était écrit. Luther demanda un délai pour répondre, ce qui lui fut accordé. Luther réfléchit, pria et consulta ses amis. Le jour suivant, il retourna à la diète. Eck demanda alors que Luther réponde à la question « Veux-tu rejeter ces livres et les erreurs qu'ils contiennent ?»« À moins d'être convaincu par les Écritures ou par des raisons évidentes, répliqua Luther, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont souvent contredits. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis et ne veux rien rétracter, car il n'est ni prudent ni sage pour le chrétien d'aller contre sa conscience. Me voici, je ne puis faire autrement. Dieu me souhaite en aide. Amen. » Quelques jours plus tard, la Diète publia un édit déclarant Luther hors la loi et hérétique. Mais entre-temps, Luther avait été enlevé par des amis au château de la Wartgimmug. De là, Luther eut l'occasion de correspondre et de conseiller son ami et allié, Philippe Mélenchon. Mélenchon sera un de ceux qui aideront Luther à traduire la Bible en allemand, de sorte que le peuple puisse y avoir accès. Cette traduction de 1534 eut une profonde influence sur William Tyndale, qui publia par la suite une traduction en anglais du Nouveau Testament. L'œuvre de Tyndale, à son tour, sera d'essentiel pour la réalisation de la version de la Bible du roi Jacques quelques décennies plus tard. De toute évidence, la Bible qui avait été enchaînée pendant des siècles était à nouveau accessible à tous, et ce faisant, les gens pouvant découvrir la vérité telle qu'elle l'enseignait, l'œuvre de la Réforme prit son élan. Luther, le géant de la Réforme, a pu continuer son œuvre de redécouverte et de restauration des vérités perdues jusqu'à sa mort en 1546. Luther, Calvin et d'autres réformateurs ont démonté des siècles de mensonges et de contrefaçons pour mettre en lumière les pures vérités que Jésus avait originellement confiées aux premiers apôtres et à l'Église primitive. Mais avec le temps, la Réforme a perdu son dynamisme et beaucoup de sa passion d'origine. Avant que toutes les vérités bibliques aient pu être découvertes et restaurées, les Églises réformées ont grandement perdu de vue leur mission et se sont occupées de questions d'organisation et se sont querellées sur leurs différences. Ce sera la tâche des chrétiens suivants de restaurer d'autres grandes vérités perdues, telles que le sabbat, le retour de Jésus, l'œuvre d'intercession du Christ, la nature de l'homme dans la vie et dans la mort. Sardes. Des sept églises du livre de l'Apocalypse, l'église de l'époque de la Réforme est celle de Sardes. Voici ce que Dieu dit à cette église. À l'ange de l'église de Sardes, écrit. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. Rappelle-toi donc ce que tu as reçu et entendu, garde-le, et change radicalement. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas du tout à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu en as quelques-uns, à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de la vie. Je reconnaîtrai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse 3, 1 à 5. Nous n'allons pas développer ce message en détail, mais relevons deux points. Je sais bien que tu es réputé vivant, mais tu es mort, dit Dieu. L'Église donne l'apparence d'être vivante. Un service constant, la domination du monde politique et religieux, une prêtrise élargie, une grande richesse et de somptueux bâtiments. Mais spirituellement, elle est morte depuis longtemps. Notez encore ceci. Cependant, tu en as quelques-uns, à Sardes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Quelques-uns, les purs, ceux qui sont dignes. Oui, le même petit nombre que nous avons suivi à travers les siècles. Le petit nombre qui est resté fidèle à Jésus et à sa vérité quoi qu'il en coûte. Celui-ci comprend bien sûr des personnes comme Jean Hus, Jérôme de Prague, Luther et tant d'autres qui ont fermement résisté à l'erreur et ont proclamé la vérité quel qu'en soit le prix, mais aussi d'innombrables inconnus qui ne furent pas moins courageux. Parmi eux, on peut noter les Huguenots français et suisses qui ont répondu avec enthousiasme à l'appel à la réforme de Luther et de Calvin. Ils croyaient de tout leur cœur aux enseignements fondamentaux de la réforme, le salut par la foi, l'autorité de la Bible, l'absence d'intermédiaires humains, de la prêtrise. Agressifs dans leur opposition à l'Église romaine, à ses enseignements et à ses pratiques, les Huguenots ont vite éprouvé les tourments de la persécution. La guerre des religions en France commença par un massacre en mars 1562, date à laquelle un nombre inconnu de Huguenots fut tué. Au cours du massacre de la Saint-Barthélemy, du 24 août au 17 septembre 1572, le nombre des victimes dans Paris et dans les villages environnants s'éleva, estime-t-on, à 70 000 Huguenots. La persécution se poursuivit à leur encontre jusqu'en 1598, quand le nouveau roi de France, Henri IV, leur accorda la liberté religieuse et politique, mais uniquement dans leur propre territoire. Au XVIIe siècle, nombre de Huguenots émigrèrent en Afrique du Sud et vers les 13 colonies d'Amérique du Nord. Parmi eux, il y eut un orfèvre du nom de Apollos Rivoire, qui transmit son nom anglicisé et son métier à son fils, Paul Revere, le fameux révolutionnaire américain. Aujourd'hui, alors que vous lisez ces lignes, vous bénéficiez du privilège de pouvoir vivre et partager votre foi dans une quasi-totale liberté. Mais nous vivons aussi dans un monde très changeant. Un monde où les libertés personnelles paraissent être menacées pour les besoins de la sécurité nationale. Nous n'aurons pas toujours les libertés dont nous jouissons depuis si longtemps que nous considérons comme acquises. Le temps viendra où, une fois de plus, l'opposition et même la persécution ressurgiront. Serons-nous alors parmi les fidèles ? La meilleure façon de le savoir est d'apprécier notre fidélité aujourd'hui. Notre foi est-elle enracinée dans des principes et des engagements, ou est-ce une question de commodité ? Sommes-nous attachés à un lot de vérité ou à la vérité ? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6. Si nous aimons la vérité, nous aimerons la vérité. Si nous sommes fidèles à celui qui est la vérité, nous serons fidèles à la vérité. Une dernière question pour ce chapitre. Craindrons-nous une possible persécution ? Ou bien, quand elle viendra, accueillerons-nous plutôt l'occasion de nous montrer fidèles à Jésus comme le plus grand honneur et le plus grand privilège ? À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.